Le maréchal Kim Jong-un a envoyé comme présent des installations et des matériels modernes nécessaires à l'éducation extrascolaire des enfants et à la gestion du palais des enfants de Mangyongdae. La cérémonie de remise a eu lieu le 4 octobre sous la participation de Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, du personnel enseignant et administratif et des membres de cercle du palais et de l'école Kumsong. Choi Ryong-hae a dit que les présents sont empreints de la confiance et de l'attente du maréchal Kim Jong-un qui veut former les nouvelles générations en futurs piliers fiables de la Corée prospère. Ensuite, il y a eu des interventions.